Radio Campus Lille, il est midi. C'est contre toi cette chanson, toi petit homme. Pas la mienne, man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Un jour c'est décidé, dans un dîner d'élite, que discuter ensemble deviendrait un délit. À ceux qui n'ont pas la chance d'être bien logés à Neuilly, sortez de la tour et des uniformes sont là pour vous accueillir. La tentation est rapide et efficace, y'a des caméras dans la rue mais sans les dédicaces. Il a coupé les crédits des assos dans les quartiers, mais c'est du qu'éducateur et CRS n'ont pas le même métier. C'est... Voilà, on a une nouvelle table de mixage et on essaie de s'y accoutumer. Voilà, bonjour à tous. Il est midi à l'horloge de Radio Campus et vous écoutez Angle d'Attaque, une émission d'Attaque Métropole. Attaque, A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour vous servir, aux manettes, le maître du temps, Florent, qui nous donnera le tempo, le rendez-vous militant et nous proposera une chanson. Ludovic, Louis et Christian seront les animateurs du jour, sans René La Science, absent pour cause de manif, on en reparlera tout à l'heure, mais nous rejoindrons René après l'émission. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? À Attaque, si nous nous gardons de nous prononcer pour un parti ou une candidate, nous sommes quand même intéressés par la politique et pas qu'un peu. Et aujourd'hui, eh bien, en marge de la belle Alliance Populaire, c'est pour demain, nous allons parler de la social-démocratie et de sa crise. Crise qu'il est difficile de nier quand on lit depuis 2006 les articles et ouvrages de notre invité. Bonjour Rémi Lefebvre. Bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir à Angle d'Attaque. Je vous présente en deux mots. Vous êtes professeur des universités. À l'université de Lille 2, vous enseignez la science politique. Vous êtes chercheur au CRAPS, c'est-à-dire au Centre de Recherche Administrative, Politique et Sociale, qui est un labo du CNRS. Vous êtes membre du Parti Socialiste et conseiller municipal d'ALM. Et vous avez ajouté que vous êtes également animateur du mouvement de gauche du Parti Socialiste. Voilà, qu'on appelle les frondeurs. Que vous appelez les frondeurs, voilà, que tout le monde appelle les frondeurs, en effet. Je dois vous dire que c'est surtout votre article de juillet 2016 dans Le Monde diplomatique qui a incité l'équipe à vous proposer cette interview. Article au titre ravageur, l'autodestruction du Parti Socialiste. Vous n'y allez pas de main morte. Tout un programme, en fait. Voilà, je vais passer la parole à Ludovic, qui a révisé son histoire politique de l'Europe, et à Louis, ensuite, qui s'est attaché au cas français du Parti Socialiste. Louis étant, par ailleurs, un ancien étudiant de votre invité. À toi, Ludovic. Oui, alors la crise que traverse le Parti Socialiste n'est pas unique en Europe, on y reviendra. Le recul de la social-démocratie européenne est même une des grandes tendances politiques de ces 20 dernières années donc sur le vieux continent. Alors avec la crise des années 70 et la défaite idéologique de la pensée keynésienne et le triomphe des stratégies néolibérales contre la hausse de l'inflation, les sociodémocrates européens ont connu un certain nombre de reculs au début des années 80. Soit ces partis avaient dû se plier à l'air du temps et renoncer à leur politique keynésienne comme le gouvernement socialiste français donc lors du tournant 83, soit ils avaient perdu pour longtemps le contrôle du pouvoir comme le SPD allemand, chassé du pouvoir en 82 et qui a dû attendre 16 ans avant de revenir au pouvoir. Dans les années 90, je brosse assez large, très très rapidement la chronologie. La social-démocratie connaît un regain d'intérêt donc, des électeurs. L'adaptation de ces partis qui ont largement accepté désormais l'évolution du capitalisme s'est due à nouveau, notamment dans la foulée de la victoire de Bill Clinton aux États-Unis en 91. La gauche revient alors au pouvoir aux Pays-Bas en 94, en Italie en 96, en France bien évidemment en 97, au Royaume-Uni également en 97 avec Blair et en 98 avec Schröder en Allemagne. Mais rapidement, cette social-démocratie se déchire et se scinde en deux camps. Le premier est celui incarné par Gerhard Schröder et Tony Blair. Donc c'est une gauche qui prône une politique favorable aux entreprises, une politique de l'offre, se basant sur la fameuse phrase de Gerhard Schröder, ce qui est social, c'est ce qui crée de l'emploi. Et le deuxième camp, on pourrait dire plutôt social-démocrate, tendance historique, avec Lionel Jospin qui... certes dira que son programme n'est pas socialiste, mais qui va prôner une forte redistribution des profits. Donc ces deux... on va dire, ces deux approches vont s'affronter et de cet affrontement va plutôt gagner dans les années 2000. C'est plutôt le premier camp qui va l'emporter, c'est-à-dire le camp plutôt social-libéral, avec Schröder et Tony Blair. Et puis effectivement, dans les années 2000, les partis sociaux-démocrates européens refluent. Et c'est là que commence la crise véritablement. On a un nombre au SPD des échecs électoraux sans précédent, avec des militants qui peu à peu désertent les rangs. C'est le cas évidemment en France. Avec la crise de 2008, on a effectivement des partis sociaux-démocrates qui se convertissent à l'austérité et qui subissent tour à tour des défaites électorales. C'est le cas du PSOE en Espagne, c'est le cas du PASOK évidemment en Grèce. Donc brossé à très très gros traits, comment vous voyez, Rémi Lefebvre, un peu cette évolution de la social-démocratie que j'ai évoquée là sur ces 30 dernières années? Qu'est-ce que vous pouvez éventuellement en dire, à la fois sur les causes peut-être de ce recul, après l'expérience de Tony Blair notamment? Alors c'est un peu compliqué parce que moi je ne suis pas très hyper convaincu par une histoire englobante de la social-démocratie. C'est-à-dire je pense que tous les phénomènes que vous avez décrits, ils traduisent certes la difficulté d'une famille politique qui est la social-démocratie, qui est une famille issue du mouvement ouvrier réformiste, fondée sur le changement graduel de la société par le rapport de force. On y reviendra peut-être, hein, puisque être social-démocrate, c'est accepter au moins au départ l'inégalité capital-travail et jouer sur cet antagonisme, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, hein, mais ça c'était l'origine de cette famille politique. Donc l'histoire de la social-démocratie, c'est une histoire complexe, mais le risque un petit peu de cette fresque qui est souvent donnée, c'est qu'on n'explique pas les spécificités nationales, hein, et d'un certain point de vue, le Parti Socialiste, il est certes membre d'une famille qui est la social-démocratie, mais sa trajectoire historique, elle est quand même spécifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire l'évolution du Parti Socialiste sur le plan idéologique ou organisationnel à finalement uniquement cette grande histoire. Bon, y a des causes spécifiques, il y a des systèmes politiques spécifiques, il y a des règles institutionnelles. Hein, le système de la Ve République n'est pas celui du système anglais, etc., etc. Bon, mais en tout cas, ce qui est incontestable, ce qui est... c'est qu'aujourd'hui, les idées de la social-démocratie sont plutôt en recul, hein, tendanciellement, et que finalement, face à la droitisation du jeu politique, tant sur le plan économique libéral que sur le plan culturel, avec la question de l'islam, de l'immigration, finalement, la social-démocratie apparaît défaite idéologiquement, et aujourd'hui, elle est incapable politiquement de dominer l'espace politique. C'est-à-dire qu'elle est en recul, c'est incontestable, on le voit bien en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France. Donc les idées portées par la social-démocratie, les idées de redistribution, etc., et une option réformiste de gauche aujourd'hui recule. Ça c'est incontestable. Alors, à mon avis, c'est lié à des phénomènes que tout le monde connaît, hein, au fait que finalement l'âge d'or de la social-démocratie dans les années 50 et 60 était lié à la croissance économique, était lié, vous l'avez dit tout à l'heure, à la domination du keynésianisme, était lié aussi à l'État-nation qui restait un cadre économique pertinent pour agir politiquement. Et donc toutes ces données ont changé. La croissance a reculé, l'État-providence aujourd'hui est accusé d'être un problème plus que la solution, et les sociodémocrates n'ont pas su à s'adapter aussi à une société où les classes sociales ont perdu leur centralité, hein, même si les inégalités ont progressé. Hein. Donc tout ça fait beaucoup de paradoxes, mais la social-démocratie apparaît démunie, et elle apparaît aujourd'hui surtout comme une force d'adaptation à l'économie de marché mondialisée, incapable finalement de la transformer. Et juste pour terminer là-dessus sur l'Europe, l'Europe, comme l'a très bien montré Fabien Escalona, a été à un moment donné finalement la porte de sortie des contradictions de la social-démocratie, c'est-à-dire que la social-démocratie, n'ayant plus de marge de manœuvre nationale, a joué la carte de l'Europe, c'est-à-dire pour retrouver une forme de souveraineté. Et ce pacte faustien, il s'est manifesté par plus de de libéralisation, puisque l'Europe, finalement, le jeu européen qu'a joué la social-démocratie s'est retourné contre elle, et c'est bien plus l'Europe qui a digéré la social-démocratie et ce qui en restait de gauche, plutôt que la social-démocratie qui n'a infléchi le cours de la construction européenne. Oui, est-ce qu'il y a une politique globale social-démocrate ? Il n'y a plus d'international socialiste, de toute façon. Elle est morte. Oui, il y a un parti socialiste européen, mais qui est très peu actif. Mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débats à l'échelle de la social-démocratie. C'est-à-dire qu'il y a eu, ça a été évoqué tout à l'heure, la dernière grande controverse qui a eu lieu au sein de la social-démocratie, c'est entre Schröder, Blair d'un côté autour de la troisième voie, et Jospin, qui avait contesté la troisième voie timidement, à la fin des années 90, mais aujourd'hui, la social-démocratie n'est pas un lieu, social-démocratie européenne, ça n'existe pas, c'est-à-dire que c'est pas un endroit où on pourrait, où des options alternatives pourraient être discutées. Voilà, c'est pour ça que je me méfie par rapport à cette notion de social-démocratie, parce que c'est une notion héritée de l'histoire, je suis pas sûr qu'elle ait encore beaucoup de consistance, si vous voulez. Elle avait peut-être encore un peu de sens l'époque de Martine Aubry, lorsque la social-démocratie dominait l'Europe, ouais. Et travailler sur l'emploi, par exemple. Oui, mais par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, à la fin des années 90, quand Jospin prend le pouvoir suite à la dissolution en 97, je crois qu'à l'époque, il y avait 13 des 15 États européens qui étaient sociodémocrates. Et à l'époque, il y aurait vraiment pu avoir, à l'époque, pour le coup, par rapport au pacte faustien que j'évoquais tout à l'heure de Fabien Escalona, l'Europe pouvait, à ce moment-là, construire un État-providence européen social-démocrate. Elle ne l'a pas fait, notamment parce que finalement la social-démocratie peut-être n'existe pas. C'est-à-dire, il existe un air de famille, il existe cette idée que finalement il faut réguler l'économie sociale, l'économie de marché. C'est un petit peu c'est très flou comme objectif. D'ailleurs, des centristes pourraient dire aussi qu'ils veulent réguler l'économie de marché. Ça ne suffit pas à définir idéologiquement la gauche. Et donc aujourd'hui, on le voit bien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des convergences programmatique. On voit bien qu'aujourd'hui, on voit bien que le SPD allemand, ce qui reste de la gauche en Italie réformiste autour de Renzi, le PSOE sont plutôt sur des politiques d'offres. Et donc, de fait, ce que vous avez décrit tout à l'heure, le tournant social-libéral, les partis sociodémocrates sont devenus des partis sociolibéraux, très majoritairement. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a peu de différence entre leur offre politique et le libéralisme. C'est-à-dire qu'en gros, le social-libéralisme, c'est une politique d'offre, matinée de social, mais guère plus. Et il y a plus. Et donc, si la social-démocratie a fait le deuil de quelque chose, c'est bien d'un horizon de transformation sociale. D'accord. Eh bien, on va voir le cas français. Alors, c'est Louis qui continue le questionnement. Oui, et concernant le cas français, on va envisager notamment la question des primaires, puisque les primaires auront lieu demain et qu'il s'agit d'une thématique sur laquelle vous avez beaucoup écrit. Mmh. Vous regardez les primaires dites ouvertes en ce qu'elles constituent un mode de désignation alternatif à la sélection traditionnelle des candidats par les instances dirigeantes ou par des conventions partisanes, comme la réponse de partis politiques moribonds à la crise de délégitimation qu'ils endurent. Pour autant, dites-vous, il se pourrait bien qu'à terme, le remède prodigué apparaisse pire encore que la maladie combattue, parce que en consacrant ainsi ce que vous appelez l'ère du sympathisant, les primaires ouvertes pourraient, pour reprendre le titre d'un ouvrage que vous aviez publié en 2011, sonner le glas du militantisme. Mmh. Alors, pour faire peut-être le lien avec la thématique suivante, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est que ce qu'on appelle social-démocratie, outre le fait que c'est un modèle de politique publique, c'est aussi un modèle organisationnel. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un parti social-démocrate, c'est un parti issu du modèle des partis de masse de la fin du 19e siècle, qui est censé être en prise avec les milieux sociaux que l'organisation défend, à savoir les milieux populaires, les catégories populaires, puisque la famille social-démocrate, sa matrice, c'est le parti ouvrier. Hein, c'est-à-dire que les partis dont on en parlait tout à l'heure se revendiquent d'une filiation qui est celle de dire on défend, autour de la justice sociale, on défend tel groupe. Et donc, ce modèle organisationnel s'est incarné dans un certain type d'organisation qui valorisait le militantisme, qui valorisait l'activisme, qui valorisait, alors en Allemagne, en Grande-Bretagne, les rapports aux syndicats, le rapport au monde associatif. Et ce modèle-là est aussi en crise. Donc, ce qu'on appelle crise de la social-démocratie, c'est aussi la crise de l'instrument politique que cette famille politique s'était donnée, à savoir le parti. Le parti comme outil de politisation des masses, des catégories populaires, de construction d'alliances de classe entre classe moyenne et catégories populaires. Et alors, ce modèle organisationnel a été très puissant en Allemagne. Hein, beaucoup de militants, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, le SPD, c'est 500 000 adhérents. Le parti travailliste, dans une moindre mesure, dans les partis réformistes du Sud. Et donc, là, pour revenir à votre question, la question des primaires. Bah, ce modèle organisationnel s'est essoufflé, voire même épuisé. C'est-à-dire qu'on observe un déclin du militantisme et, de manière générale, un déclin aussi des réseaux et des milieux partisans. C'est-à-dire que les partis... De ces partis sociaux-démocrates deviennent, je vais forcer un peu le trait, un peu gazeux. C'est-à-dire qu'ils deviennent essentiellement des partis en apesanteur sociale et ils deviennent essentiellement, hein, et c'est le point de vue que j'avais aussi développé dans l'article du Monde Diplomatique dont on parlait tout à l'heure, des partis de professionnels de la politique. C'est-à-dire des partis d'élus locaux, des partis de notables, des partis d'aspirants à l'élection. Et donc, par rapport. Or, le problème, c'est que du coup, l'efficacité de ces partis diminue. Et donc, comment créer des candidats dans le cadre d'une démocratie présidentielle comme la démocratie française, qui soit en prise avec l'électorat, puisque les militants ne constituent plus une médiation entre les électeurs et les élites. Et donc la réponse qui s'est progressivement imposée, parce que le processus a été long, c'était, dans le cadre présidentiel français, les primaires. C'est-à-dire on ne désigne plus le candidat par les militants, on désigne qui sont peu nombreux, qui sont peu représentatifs, qui sont en quelque sorte disqualifiés. On procède à ce processus de désignation par les sympathisants. Bon. Et donc, effectivement, ce que je dis, c'est que c'est un aveu d'impuissance. Et que, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec votre formule, le mal, la réponse est pire que le mal, c'est-à-dire que ça renforce, hein, d'un certain point de vue, l'état du parti, puisque de fait, bah, ça ne sert plus à rien d'être militant, et que ça fait des partis politiques, des espèces d'ectoplasmes, hein, où finalement il n'y a plus de programme. Hein, par exemple, il y a une primaire donc, ouverte, il y aura un vote demain au premier tour, il n'y a plus de programme du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, pour la première fois de son histoire, n'a plus produit un programme, il a produit une vague plateforme programmatique. Donc les programmes sont portés par les candidats. Hein, l'exercice du programme est privatisé. Et donc, c'est la fonction idéologique du parti politique qui est remise en cause. Et moi, je pense que ça fait problème dans la mesure... Alors, je ne dis pas que les partis sont des structures immuables et qu'ils ne doivent pas évoluer, mais moi, je pense qu'à gauche, une des fonctions des partis politiques, c'est la fonction idéologique, c'est de produire un programme. Alors là, je ne dis pas qu'on n'a pas des choses intéressantes dans cette primaire, parce que cette primaire est l'occasion d'injecter dans le débat public un certain nombre de propositions. Je pense par exemple au revenu universel, dont on a énormément parlé ces dernières semaines. Et je dirais que c'est déjà ça de pris. C'est-à-dire que les primaires contribuent quand même à mettre dans l'agenda, dans l'espace politique, un certain nombre de questions. Mais le problème, c'est que finalement, il n'y a plus véritablement de corps doctrinal ou d'une offre politique véritablement articulée. Et donc, je reviens et je réponds au final à votre question. Effectivement, je pense que les primaires sont la manifestation de cet affaiblissement des partis et que même s'il y a des côtés positifs aux primaires, ce mode de désignation amplifie tout un ensemble d'effets pervers de notre système politique, l'hyper-personnalisation, l'hyper-présidentialisation, le rôle des sondages, et qu'au fond, hein, les primaires accentuent plutôt ce qui va dans le mauvais sens de notre système politique. Bon, c'est l'idée que j'essaie de défendre. Le risque, dites-vous, est également celui que, en raison d'écarts idéologiques moindres entre candidats à une élection primaire et par l'imbrication du jeu partisan et du jeu médiatique, les primaires ouvertes consacrent le triomphe de la démocratie d'opinion. Oui, alors là-dessus, il faut être prudent, parce que ça avait été flagrant en 2011. C'est-à-dire que en 2011, les primaires, déjà les primaires semi-fermées de 2006 qui avaient consacré Ségolène Royal, avaient consacré les sondages. Hein. Souvenez-vous, tout le monde, les participants à la primaire de 2006 avaient voté sur la foi des sondages qui donnaient Ségolène Royal gagnante face à Sarkozy. Et puis quelques mois plus tard, elle s'est effondrée. De la même manière, en 2011, Dominique Strauss-Kahn était le candidat chéri des sondages. Il y allait avoir une primaire de ratification. Et les primaires avec François Hollande avaient plutôt les sondages, c'est-à-dire que les électeurs avaient choisi au moment de la primaire de 2011, notamment face à Martine Aubry, le candidat qui avait les meilleures performances sondagières et la meilleure capacité à gagner contre Sarkozy. Donc là, de fait, les primaires renforçaient le rôle des sondages. Alors, dans la dernière séquence, j'avoue, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que il ne vous a pas échappé que François Fillon, qui a été désigné candidat de droite, n'était pas le candidat qui avait la faveur des sondages. Je trouve que la dernière... Et là, concrètement, pour la primaire ouverte de demain... Alors on voit que les sondages sont incapables. Comme on ne sait pas du tout qui va voter, les sondages ne sont pas très très fiables. Hein. Je pense que demain, on peut tout à fait avoir une énorme surprise. Hein. Je ne sais pas, Valls à 40% au premier tour, ou Montebourg qui est plutôt aujourd'hui mis... On en parle moins qu'Hamon, qui est dopé. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout. Moi, je ne me prononcerai pas. Mais on assiste plutôt, par rapport à 2011, à des primaires qui favorisent... On verra ce qui va se passer à gauche. Le candidat le plus radical du camp, oui, je sais. Du camp, et donc voilà. Mais en tout, donc les sondages, hein, la relation entre sondage et primaire, elle est pas mécanique. En tout cas, pour moi, ça favorise quand même la démocratie d'opinion dans la mesure où ça favorise la personnalisation de la vie politique et ça favorise aussi la course de chevaux. C'est-à-dire qu'en gros, hein, pendant plusieurs mois avant l'élection, on parle moins des idées que des candidats performants, que de leur code sondagière, etc., etc. Fait pour la 5e République en même temps. Évidemment. C'est ce que j'allais dire. Évidemment, c'est-à-dire que les primaires, les sondages, l'hypercommunication, l'hyperpersonnalisation et l'élection du suffrage universel, l'élection du président au suffrage universel direct, tout ça fait système. Tous ces mécanismes se renforcent mutuellement, évidemment. Mais alors précisément, alors que de longue date, on présentait les primaires comme une greffe impensable, parce qu'on les présentait comme contraires tant à la culture politique française qu'à l'esprit des institutions, est-ce que finalement ces primaires, elles ne parachèvent pas le renoncement du Parti socialiste à combattre une forme d'autisme constitutionnel de la Ve République? Ah bah oui, c'est-à-dire que ce qui est, enfin, faut quand même bien voir que les primaires sont complètement contraires au projet qui est normalement celui du Parti socialiste, mais qui n'est plus le cas depuis bien longtemps, de tempérer très fortement le caractère présidentialiste des institutions et de revenir à une démocratie parlementaire. Hein. Faut quand même rappeler que pendant très longtemps, la doctrine du PS, c'était l'hostilité aux règles du jeu de la Ve République. Hein. Même François Mitterrand avait dit les règles de la Ve République étaient dangereuses avant moi, elles redeviendront après moi. Bon, ce qui était une formule un peu cynique. Et concrètement, évidemment, en mettant en place le système des primaires, on crée un verrou institutionnel de plus pour empêcher la remise en cause de la Ve République, puisque en fait on donne aux candidats à l'élection présidentielle une espèce de d'onction populaire hors des partis, on accentue cette centration du jeu politique complètement infantile autour de la figure du président de la République, autour de la campagne présidentielle, et puis j'irai même plus loin, on crée un système finalement où on crée un président président impuissant, voué à décevoir, voué au bashing, hein, etc. Voilà, donc c'est ce système infernal où on élit soi-disant un homme providentiel, ça dure de moins en moins longtemps, et puis ensuite on va le flétrir, et tout le monde va... d'où l'anti-sarkozisme, l'anti-hollandisme, et puis l'anti, je sais pas, le prochain candidat. Hein. Oui, ou l'anti-Valls. Voilà. Tout ça est peut-être politiquement intéressant, ou en tout cas peut se fonder sur une critique de fond, mais en même temps, je ne pense pas que la qualité du débat public en sort vraiment renforcée, hein, de cette centration et cette hystérisation du débat public sur les personnes. Bon, voilà, je ne pense pas que ça soit la marque d'une démocratie très mature. Simplement un mot avant de poursuivre pour revenir sur ce que vous disiez concernant François Fillon. On peut aussi avoir une autre lecture, et je pense notamment, puisqu'on évoquait le Monde diplomatique, sur son blog qui est hébergé par le Monde diplomatique, Alain Garrigou soutient lui que ce sont les sondages qui ont fait élire François Fillon en rapportant quelques sondages encenseurs à une semaine du premier tour du scrutin, et qui, selon lui, auraient créé ce qu'on appelle un effet bande-wagon, un effet de mode qu'il aurait porté à quelques jours, un effet très soudain mais très puissant, selon lui. Oui, on pourra jamais comprendre ce qui s'est passé. Je pense que ça a sans doute joué. Je pense quand même, et j'apprécie en général beaucoup les travaux d'Alain Garrigou. Bon, Alain Garrigou est obsédé par le rôle des sondages. Je pense qu'aujourd'hui, il a raison de constater que, alors que pendant longtemps, on sous-estimait l'impact des sondages sur le jeu politique, que ces sondages aujourd'hui maintenant jouent un rôle sur le jeu politique. Hein, c'est incontestable. Alors, je pense quand même que structurellement, la victoire de Fillon peut s'expliquer à la fois par le fait que Juppé était trop identifié à la gauche et que Sarkozy était délégitimé et qu'il est apparu un petit peu comme une espèce de voix intermédiaire qui était légitime pour le peuple de droite. Voilà. Puis après, il y a la mobilisation aussi des réseaux catholiques. Enfin, je pense que réduire quand même la victoire de Fillon au poids des sondages, c'est méconnaître aussi des tendance de fond dans le peuple de droite et sa radicalisation politique. Et Fillon incarne d'un certain point de vue très bien cette droite décomplexée qui, avec les mobilisations contre le mariage pour tous, s'est radicalisée sur les questions culturelles. Concernant toujours ces primaires, donc outre présente donc le risque de dévaluer encore davantage le militantisme, d'emporter le triomphe de la démocratie d'opinion et donc de parachever le renoncement du Parti socialiste à défendre une certaine idée du parlementarisme. Ces primaires, alors qu'elles sont présentées ou du moins louées dans leur dimension démocratique, présentent une autre tare et non des moindres, c'est celle de finalement n'être en rien sociologiquement neutre, oui. Ce qui est d'autant plus déplorable lorsque, à gauche, on exalte l'égalité. Oui, alors je vais développer un petit peu ce point de vue que je partage tout à fait, hein, que j'avais déjà mis en avant en 2011, alors même qu'il n'y avait pas eu le vote des primaires. Hein, je me donne raison un peu rétrospectivement, mais j'avais dit que les primaires ne seraient pas la bonne manière de renouer avec les quadrilles populaires. Si on reprend le fil de ma démonstration tout à l'heure, je vous disais, les primaires, c'est une réponse au fait que les partis politiques sont plus en prise avec la société. Et donc, les primaires seraient une manière pour les partis politiques de rétablir un lien avec leur électorat. Or, qu'est-ce qu'on a observé en 2011, c'est que les milieux populaires ont très peu participé à la primaire, et donc que la primaire est un tamis social. C'est-à-dire qu'elle donne la parole à une petite partie de l'électorat, c'est-à-dire un électorat plutôt urbain, diplômé, politisé, bon, qui est le cœur de l'électorat socialiste. Voilà, donc ça on peut le comprendre, mais du tout qui n'est pas un moyen de renouer le lien avec les milieux populaires. Pourquoi ? Il faut bien voir, et on aura exactement, je suis absolument convaincu que ça sera le même constat sociologique qui sera fait demain soir. Parce que les primaires, ça s'adresse à des... un électorat très politisé. Pour faire aujourd'hui la distinction entre Peillon et Valls, entre Hamon et Montebourg, pour comprendre ce que racontent De Rugy ou Benamias, pour comprendre ce que la candidate du Parti radical représente. Il faut un niveau de politisation très élevé. Et donc, parce que les différences entre les divers candidats sont assez faibles. Et donc, les primaires s'adressent à la frange la plus politisée de l'électorat. Et donc, du coup, un effet excluant et censitaire sur l'électorat populaire qui ne prend, d'abord, qui ne comprend pas forcément qu'il a le droit de vote à ces élections, parce que c'est pas facile à comprendre, hein, l'idée que c'est une primaire organisée par un parti, mais qui est ouverte aux sympathisants. Bon, déjà, ce processus, il est pas simple à comprendre. Bon. Et donc, du coup, il y a un effet d'éviction des milieux populaires, alors qu'on a tout à fait bien vu à la primaire de droite. Hein, le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, sarkozyste, quand Fillon a le soir du premier tour, il a été raconté sur tous les plateaux, c'est assez juste sociologiquement, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui a voté à Tourcoing et beaucoup d'électeurs de droite qui sont allés voter à Marcq-en-Barœul, Bondu et Croix. Donc au sein même de l'électorat de droite, attention, il y a un électorat populaire de droite. Les milieux populaires n'ont pas voté. Bon, donc ça, c'est quand même une des lois, maintenant, aujourd'hui, ont un acquis sur les primaires, c'est que les primaires qui sont présentées comme démocratiques, en fait, ne s'adressent qu'à une petite partie de l'électorat et ne mobilisent qu'une petite partie de l'électorat. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment une réponse en termes d'élargissement de la représentativité sociale des partis politiques. J'aimerais revenir à une question que vous posiez dans votre papier publié dans le Diplo l'été dernier, et une question qui finalement conjugue les deux aspects qu'on a évoqués, considérant ce qu'est l'état d'une social-démocratie à l'agonie et considérant l'ensemble de ses effets pervers des primaires. Est-ce qu'on se dirige vers la fin du PS selon vous ? La fin du PS, c'est un discours récurrent depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on annonce la fin du PS. Et le cadavre, si cadavre il y a, résiste. Le PS est un parti qui a un siècle, qui a connu des crises innombrables, mais qui est un parti très résilient. Et pourquoi il est résilient ? Parce que le jeu politique lui assure une position centrale, parce que c'est le parti le plus modéré de gauche et donc le plus fédérateur. Par le jeu des institutions hein, de la Ve République, qui font, on l'a bien vu avec la domination du PS sur le PC dans les années 70, hein, le jeu présidentiel favorise le parti politique à gauche le plus modéré. Hein. Ça, c'est quand même un défi. Je m'adresse ici, je suis dans une réunion organisée par ATTAC qui est plutôt critique sur le Parti socialiste, mais c'est un défi aujourd'hui pour la gauche radicale. La gauche radicale, alors je ne sais pas si vous retiendrez ce... Ou la gauche tout court, mais la question, c'est vrai que le terme, c'est un mot un peu piégé. Comment aujourd'hui la gauche de gauche peut-elle construire une vocation majoritaire ? C'est ça la question. C'est la question que pose Podemos en Espagne. C'est-à-dire l'objectif, si j'ai bien compris, de Podemos, c'est de ne pas jouer les utilités, de jouer les minoritaires, c'est d'être majoritaire. Donc la question, il faut. Comment on est majoritaire avec un programme de gauche qui, aujourd'hui, qu'on le déplore ou pas, mais n'a pas une majorité électorale voilà. Donc, le Parti socialiste a incarné cet espace politique-là. Et parce qu'il est résilient, parce qu'il a joué du vote utile, parce qu'il a joué du chantage du vote utile, parce qu'il avait une position où, finalement, il était le seul à gauche à pouvoir incarner une alternative au pouvoir, une alternative pas simplement programmatique, mais politique, au sens où il avait la capacité de prendre le pouvoir, le Parti socialiste a traversé ces crises. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il est dans un point de rupture. Il est un point de rupture parce que, l'usure du pouvoir, parce que l'expérience du pouvoir depuis 2012 a été complètement autodestructrice pour lui. Il est allé très très loin. C'est-à-dire que moi, mon hypothèse, beaucoup de gens à gauche qui critiquent le PS, leur option, c'est de dire bon, le PS, il est voué à trahir. Les sociaux-démocrates sont des sociaux-traîtres. Et finalement, rien de neuf sous le soleil, rien ne s'est passé depuis 2012. C'était prévisible. Je pense que personne ne pouvait prévoir une telle droitisation du PS. C'est-à-dire qu'elle a été exceptionnelle, cette droitisation. C'est-à-dire quand on a un parti social-démocrate qui propose le CICE, la loi travail, la déchéance de la nationalité, ça va très très au-delà, pour moi, du tournant de la rigueur et même de la politique de Jospin entre 1997 et 2002. Donc il est complètement disqualifié idéologiquement. Le parti est devenu, on peut même se demander si le PS n'est pas devenu un parti de droite hein, au pouvoir. Hein. Je pense qu'on pourrait toujours citer 10 ou 15 mesures qui permettent de... Mais de fait, et en plus, c'est un parti en plus qui a changé concrètement. C'est que l'offre politique a changé. C'est-à-dire que par rapport au... Le Front National, aujourd'hui, s'est installé. On parle de tripartisme. Aujourd'hui, une partie des milieux populaires sont captés par le Front National. Donc déjà, le PS était adapté à un système bipartisan. Dans un système tripartisan, ses faiblesses sont encore plus fortes. Et puis, très conjoncturellement, le problème aussi du PS, c'est que là, il est pris en étau entre, à gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui a installé son identité politique depuis maintenant plusieurs années, et au centre gauche, je dirais plutôt même au centre ou au centre droit, Emmanuel Macron. Et donc, au fond, là, la question qui se pose, c'est demain, il y a une primaire du PS. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que le candidat socialiste va apporter vraiment quelque chose de différent entre Mélenchon et Macron? Et donc, quelle est l'utilité aujourd'hui sociale du Parti socialiste? Et donc, plus politiquement, c'est-à-dire concrètement, mon hypothèse, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est que le PS pourrait aussi très bien ne pas résister à cette primaire. Parce que entre Valls et Hamon, il y a quand même un gap idéologique considérable qui fait que ce parti ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir, c'est concrètement... Est-ce que vous voyez Emmanuel Valls soutenir Montebourg ou Hamon? Ça serait quand même très artificiel. Et évidemment, l'inverse, c'est pareil. Et donc, le peu de militants qui restent au PS aujourd'hui seraient fortement tentés ou bien de rejoindre Macron ou bien de rejoindre Mélenchon. Et donc, ce parti... Là, il est entré dans une zone, une conjoncture où le pronostic vital est sérieusement engagé. Alors, comme le Parti socialiste est toujours beaucoup relevé, je suis prudent. Mais j'avoue, en tant qu'observateur du PS depuis des années, je pense que là, on est vraiment à un moment charnière. Est-ce que pour vous, cette explosion, elle peut être salutaire, en fait, véritablement? Ah ben, évidemment qu'elle peut être... Indépendamment du fait qu'elle, a priori, elle a des grandes chances d'advenir, est-ce qu'elle est, d'un point de vue normatif? Là, je vais parler en tant que militant socialiste. Je pense que le projet de la gauche du Parti socialiste depuis des années, c'était de dire, le Parti socialiste étant le parti à vocation majoritaire à gauche, la lutte politique la plus légitime, je défends mon option, c'était d'infléchir de l'intérieur le Parti socialiste. À partir du moment où le Parti socialiste perd cette centralité, ce projet n'a plus de sens. Ce projet n'a plus de sens à partir du moment aussi où le PS s'est autant fourvoyé dans la droitisation. Parce qu'à un moment donné, la question se pose. Et donc, je le dis très clairement, en tant qu'observateur, mais aussi en tant que militant socialiste, aujourd'hui, la gauche a intérêt à ce que le PS explose et que la gauche se recompose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a quand même des convergences entre les écologistes, le parti de gauche, le parti communiste et les frondeurs, et qu'il y a aujourd'hui un espace politique à construire à la gauche de ce qui serait un parti de centre-gauche, qui pourrait être celui de Valls ou celui de Macron, et que finalement... Il est évident que la décomposition du PS peut être une opportunité pour la gauche pour se reconstruire. Et que finalement, c'est une opportunité aussi pour revoir des frontières partisanes qui sont aujourd'hui artificielles et qui aujourd'hui bloquent la gauche politiquement. Si je puis simplement me permettre une remarque, elle se discute également et elle n'engage que moi, mais moi je trouve pour revenir à votre précédente intervention, je trouve que ce sentiment de trahison au terme du quinquennat de François Hollande, je le trouve assez hautement contestable. Ce sentiment de trahison à l'endroit d'un président qu'on présente comme subjugué par les dogmes du marché libre, je trouve que force est de constater que sous bien des aspects, le quinquennat qui touche à son terme n'est pas une trahison, mais davantage un accomplissement. Une continuité, vous voulez dire. À l'occasion de la préparation de l'émission, je relisais ce que pouvait publier François Hollande par le passé, La gauche bouge, Devoir de vérité, tout ce qu'il avait pu publier par le passé avec Le Drian, Sapin, mm-hmm. Delors, Rocard. Ou même dans les années 80, honnêtement, Max Gallo, je crois, il a publié un bouquin. Oui, mais attention, François Hollande n'est pas le Parti Socialiste. Le verre était dans le fruit. Hein. Oui, non, mais ce qui est compliqué, attention, on ne peut pas déduire le Parti Socialiste, ce n'est pas que François Hollande. Donc qu'il y ait depuis 30 ans au Parti Socialiste un courant idéologique, réformiste, ambigu, parce que c'est ça qui est compliqué. C'est que le Parti Socialiste est un parti ambigu, c'est-à-dire qu'il y a un parti qui a toujours été ambivalent. Qui a toujours été en tension. Évidemment, on peut dire finalement Hollande est en totale cohérence avec son discours des années 80, etc. Mais on pourrait trouver aussi, je me souviens du discours d'Hollande à Dijon, suite au congrès de Dijon, suite au 20 avril 2002, où il pouvait tenir un discours beaucoup plus radical. On pourra trouver plusieurs Hollande. Je pense que Hollande, d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui n'a aucune cohérence. C'est un professionnel de la politique, donc c'est quelqu'un qui s'adapte. Est-ce que Hollande est un idéologue? Non. Qu'il soit plus un réformiste, oui. Plutôt social-libéral, oui, mais voilà, concrètement, ne prêtons pas aux hommes politiques une cohérence que le jeu politique les empêche de tenir, parce que en politique, il faut savoir aussi s'adapter, c'est le propre des professionnels de la politique, c'est comme ça. Effectivement, on peut dire, mais ça dépend quel référent on prend. Si on prend le référent, le discours du Bourget, sur la finance, c'est un discours d'une énorme ambiguïté. Il y a effectivement mon ennemi, c'est la finance, mais il y a le sérieux budgétaire, il y a la lutte contre la dette. Mais par exemple, il y a bien eu pour moi un tournant de la politique de l'offre. C'est-à-dire que, et en tout cas, ça c'est incontestable, c'est-à-dire le CICE n'était pas dans le programme du Parti Socialiste, le CICE n'était pas défendu par la majorité parlementaire, donc il y a bien une dissonance entre ce qu'est une partie du Parti Socialiste dans son projet, le projet socialiste est voté en 2011, et ce qu'a fait, Donc on peut toujours dire rien de neuf sous le soleil, mais pour moi il y a eu un bouger, et ce bouger, il va dans le sens évidemment de la liquidation totale ou quasiment totale de l'identité réformiste social-démocrate au sens originel du terme. Voilà. Bon, donc pour moi, il y a quand même. Je ne me situerai pas sur un plan de morale, il n'y a pas de trahison, ça serait le militant qui dirait ça. Il y a un désengagement électoral très clair du candidat Hollande et il y a une évolution idéologique qui fait qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, on peut contester le fait que ça soit un parti de gauche. Entendu, eh bien, on va s'arrêter là. Merci pour cet entretien qui était vraiment très très riche, Monsieur Lefebvre. Je pense qu'on a traité la question qu'il fallait en ce moment. Les électeurs, les auditeurs, auditrices iront ou pas voter, c'est pas grave. Merci en tout cas pour votre participation. Merci à vous. À bientôt. Je sais très bien où ça nous mène. Nos libertés sont menacées, mais j'ai renoncé aux miennes. Inutile de crier comme ça, inutile de vous fatiguer, inutile de voter pour moi. Je suis socialiste résigné, socialiste résigné. Oui, je sais, je me contredis, je vois pas où est le problème. Que voulez-vous, c'est la vie, faut bien que je gagne la mienne. Oui, je sais, je sais, je sais, mais c'est comme pour la TVA. J'avais promis qu'au grand jamais, et finalement voilà. Inutile de crier comme ça, inutile de vous fatiguer, inutile de voter pour moi. Je suis socialiste résigné, socialiste résigné. Oui, je sais, la surveillance, les écoutes et les boîtes noires, c'est pas génial quand j'y pense, mais j'ai besoin de m'asseoir. Oui, je sais, bien sûr, c'est un texte totalitaire, digne des pires dictatures, qu'est-ce que je peux bien y faire? Inutile de crier comme ça, inutile de vous fatiguer, inutile de voter pour moi, je suis socialiste résigné. socialiste résigné. Vous avez tort de vous moquer, je parie que c'est à mon courant que tous les autres vont se rallier, bientôt je serai président. Mais si c'est mieux pour mon image, je pourrais peut-être m'abstenir. Ça change rien, c'est l'avantage, je vais y réfléchir. Et si c'est mieux pour mon image, je pourrais peut-être m'abstenir. Ça change rien, c'est l'avantage, je vais y réfléchir. C'était la Parisienne libérée, les socialistes se résignent. Et maintenant, une annonce ministérielle. Cette année, la fièvre du libre-échangisme démarre plus tôt que d'habitude. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adaptés. Lisez les documents de Stop TAFTA et signez la pétition contre le CETA. Ça ne dure pas plus de 30 secondes et c'est inutile de le faire plusieurs fois par jour. Chaque fois que vous rentrez chez vous, n'allumez pas la télé ou éteignez-la. Lisez les livrets d'attaque ou des hebdos comme Politis. Vous pouvez également utiliser la solution du monde diplomatique. Ceci pourrait être un message du ministère des Affaires populaires. On passe à l'actu d'attaque. À l'actu d'attaque. À l'actu d'attaque. Donc, le lundi 9 janvier à Dax, le procès de Yann Palais se. Jaune Palais se transforme en procès de la BNP. Alors, un mot pour rappeler cette histoire. Yann Palais fait partie des faucheurs de chaises. Action d'incivilité notable des faucheurs de chaises à la BNP et dans les banques en général. Et la BNP s'est plaint de ce larcin, sachant que les chaises en question représentaient autant de sièges à l'étranger, et notamment, évidemment, qui concernent l'évasion fiscale par la BNP. Donc, la BNP s'est plainte, a porté plainte contre le tribunal de grande instance à Dax. Et puis, cette action s'est tournée contre la BNP, puisque d'abord, ils ne se sont même pas déplacés, ni même leur avocat, pour plaider devant le tribunal de grande instance de Dax. Et ça a été un fiasco. 2000 personnes étaient là et le procureur a demandé la relaxe pour Jaune Palais. Voilà, donc un procès raté qui n'a jamais fait que renforcer les faucheurs de chaises dans leur option d'incivilité citoyenne. À toi, Ludovic. Oui, alors BNP Paribas prête à discuter de sa présence dans les paradis fiscaux. C'est une question qu'on peut se poser donc, suite à cette journée. Donc, BNP Paribas s'est pour la première fois exprimé dans les médias sur ce sujet. La banque affirme ne pas être présente dans les paradis fiscaux et ne pas comprendre pourquoi elle est ciblée par les actions citoyennes des faucheurs de chaises contre l'évasion fiscale. Le collectif des faucheurs donc, accepte très volontiers l'invitation à débattre lancée donc, par la banque et demande aux responsables du service public de l'audiovisuel d'organiser ce débat. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça puisse donner suite, mais bon, pourquoi pas. Le collectif conteste les déclarations de la banque et souhaite en particulier débattre des points suivants. Donc, ce n'est pas BNP Paribas qui s'est retiré des paradis fiscaux, c'est l'OCDE qui a retiré les paradis fiscaux de sa liste. Premier argument, voilà, effectivement. Deuxième argument, les listes noires ou grises établies par l'OCDE, l'Union européenne ou la France sont depuis longtemps critiquées par la société civile pour leur caractère lacunaire, et les faucheurs de chaises se réfèrent pour leur part à la liste établie par le réseau international d'experts Tax Justice Network, donc qui fait autorité, je pense, sur la question. En 2013, troisième argument, et en 2016, les Offshore Leaks et les Panama Papers ont montré que BNP Paribas avait aidé à la création de sociétés offshore dans les paradis fiscaux. Et quatrième argument, BNP Paribas se vante de payer beaucoup d'impôts en France. Pourtant, 35% de ses bénéfices internationaux sont réalisés dans les paradis fiscaux recensés par la Tax Justice Network. Voilà, j'ai l'impression que BNP, avec sa volonté de se dédouaner, va être encore un peu plus habillé pour l'hiver. On va passer au plan local avec le collectif Stop TAFTA. Oui, alors, une journée internationale donc, d'action contre le CETA a lieu aujourd'hui même, et ce, dans toute l'Europe. Le collectif Stop TAFTA de la métropole lilloise a choisi d'y participer donc, en organisant à Lille une manifestation avec déambulation de la place de la République à Riours, passant par le secteur piétonnier et animation, stand d'information et prise de parole, organisation place Riours, avec notamment la présence, si possible, des eurodéputés européens opposés au CETA, dont la ratification, je vous signale, pour l'information, a été reportée au 14 et 15 février prochains. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, la préfecture a interdit la déambulation et les animations prévues place Riour. Aussi, cette action se limitera à un rassemblement place de la République. Le rendez-vous est fixé à 13h30, donc aujourd'hui. Donc nous vous attendons nombreux et nombreuses pour nous soutenir dans notre opposition à la ratification du CETA. Pour vous informer et participer aux actions collectives, on peut vous souhaiter des informations. Il y a donc le contact tafta.npdc@gmail.com, ça c'est l'adresse mail. Et puis sur Facebook, il y a un groupe Facebook @collectif stop tafta lille. Et si vous avez Twitter, @stop tafta lille. Voilà, il faut savoir que nous sommes particulièrement à Lille sanctionnés par la préfecture, puisque c'est la deuxième fois qu'on nous interdit ou qu'on limite notre activité de militants. Là, ici, la préfecture a fait fort parce que les arguments... C'est un arrêté, hein, un arrêté qui est pendu le 18. Alors, imaginez, les arguments, c'est évidemment, il y a du monde dans les rues. Forcément, c'est pas la braderie, c'est les soldes. Autre argument, il y a un match de handball international ce soir. Enfin voilà, des arguments comme ça. Et puis il y a aussi évidemment les ultra-gauchistes, l'ultra-gauche, chère à Madame Malioumari, qui est intervenue sur... la semaine passée, et donc on ne veut pas de l'ultra-gauche. Je suppose qu'on qualifie d'ultra-gauche aujourd'hui, attaque le Parti communiste français, les Amis de la Terre. Voilà, donc tout ça dans le même sac. Merci, monsieur le préfet. Je passe au collectif O. Alors le collectif O revit et très fortement. J'ai pu assister à la dernière réunion. Les gens sont plus que jamais motivés parce que on trouve des anomalies dans la nouvelle tarification le collectif se penche de façon très concrète là-dessus et s'apprête à écrire un mail au président de la métropole européenne de Lille pour les alerter de ce problème. En plus, on va faire des recherches. C'est Jeanne-Marie chez nous, dans le collectif, qui va continuer ses recherches auprès des archives pour connaître les conditions d'acquisition des captages des réseaux de distribution par les Eaux du Nord. Les Eaux du Nord, c'est avant. Ça date déjà depuis un bon bout de temps. Hein. C'est à l'époque de la commune où Suez et Veolia sévissaient sur notre eau. On va passer au coup de gueule, Florence, c'est toi qui ouvres. Oui, alors, le lundi 2 janvier, un incendie a endommagé tout le premier étage de la maison abritant la librairie occupée l'Insoumise, dont je vous ai souvent communiqué leurs événements. Le premier étage, qui était un appartement collectif, où il était un appartement collectif, il est resté peu de choses des affaires des habitants, mais selon les pompiers, ni la toiture ni la structure de l'immeuble n'ont été touchées. Ce sont donc essentiellement des matelas qui ont brûlé, dégageant une fumée noire dense, mais il n'y a pas eu d'incendie violent. La mairie de Lille, qui est propriétaire du bâtiment, a quand même décidé de murer les lieux le surlendemain sans se soucier de savoir ce qu'allait devenir tous celles et ceux qui dormaient là, ni de le devenir de ce lieu qui était devenu intégrante du milieu militant lillois. Deux jours après les expulsions, il faisait quand même moins 3 degrés. Peu importe, Martine Aubry a bien dormi. Alors que jeudi et vendredi, qui ont suivi l'incendie, était prévu un grand nettoyage et un réaménagement de la librairie, c'est la veille au soir, donc le soir du 4 janvier, que la mairie est intervenue pour barricader le bâtiment, puis le murer le lendemain. J'étais là, on était une cinquantaine à s'être rassemblés devant l'Insoumise ce mercredi soir où il faisait très froid. Au départ, il n'y avait que la police municipale, mais ils ont vite appelé des renforts de la police nationale avec agents bien armés et la brigade canine. À quelques-uns, on s'est quand même posé pacifiquement devant l'entrée de l'Insoumise pour protester contre cette intervention, mais directement un policier très désagréable nous agresse en nous menaçant directement avec sa bombe lacrymogène alors qu'on n'était pas du tout violent, ce n'était donc pas pour se défendre. Encore une fois, la tactique de la répression est présente sans aucun dialogue. La mairie envoie les flics pour fermer les squats et anéantir tout lieu d'expression populaire réellement libre. La gentrification du quartier de Moulins-Lille continue. Oui, à toi, coup de gueule. Oui, alors, j'emprunte à un lecteur de Politis le coup de gueule qui suit. Il s'en est pris à ma tête de Turc préférée, c'est-à-dire Madame la ministre de la Santé. Il lui écrit ceci. « Madame la ministre de la Santé, alors ça y est. Après des années de lutte acharnée, vous avez fait entrer dans des millions de foyers français vos paquets de cigarettes dits neutres. » C'est-à-dire hideux et de couleur kaki, la couleur la moins neutre qu'on puisse trouver dans la palette. Que vous ayez une fascination personnelle pour la chose militaire et la couleur qu'il incarne, pourquoi pas ? La France n'a-t-elle pas battu tous ses records de vente d'armes sous la houlette de notre vendeur de l'année en la personne de son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian ? Par ses choix esthétiques, vous êtes donc solidaire des grandes décisions de ce gouvernement dit socialiste. Que vous preniez les fumeurs pour des lapros de 3 semaines, en pensant ou en feignant de croire qu'ils achètent son un emballage et non un contenu, pose quand même des questions d'un autre ordre. Il se trouve, voyez-vous, madame, que je n'aime pas le kaki. Et sur le plan pictural ni sur le plan symbolique, vous avez donc réussi l'exploit de faire entrer sous mon toit un objet de cette couleur oni. En cela, votre performance mérite d'être saluée. Toutefois, mon enthousiasme est quelque peu mitigé. En effet, je crois que c'est la première fois qu'un gouvernement se permet de choisir la couleur d'un objet courant que chacun peut posséder chez soi sans contrevenir à aucune loi. Ou plutôt non. Il y a eu un précédent, cette époque maudite où chacun devait avoir chez soi un bout de tissu bleu, blanc et rouge pour complaire à la clique de gâteux monomaniaques qui dirigeait ce pays. Au nom de quelle soumission sommes-nous tenus d'accepter votre diktat artistique ? La raison d'État, me direz-vous. Mais pour qu'il y ait raison d'État, chère madame, encore faut-il que l'État ait raison et qu'il ne la perde pas en de ridicules caprices. Donc, l'agenda militant maintenant. Donc, cet après-midi, second rassemblement pour la fermeture du bar La Citadelle, connu pour être tenu par l'extrême droite et n'acceptant que des personnes blanches et françaises de souche. Rendez-vous 15h, place de la République à Lille. Le collectif Faites la Friche et Alternative à Lille engage une mobilisation pour l'organisation d'un sommet festif, créatif et familial sur la Friche Saint-Sauveur en juin 2017. Alors que l'aménagement du territoire est en cours de révision, cet événement a pour objectif de valoriser, encourager et amplifier des pratiques alternatives écologiques, sociales et solidaires de grande échelle. Ça sera au Théâtre de la Verrière à Lille le 30 janvier à 19h. Ne manquez pas plusieurs rendez-vous militants sur l'actualité dans d'autres pays du monde. Le premier, projection de Mirar Mirir, Regardez mourir, l'armée mexicaine et les 43 disparus d'Iguala. Ça sera au CCL le 26 janvier à 18h. Le même jour à 20h, à l'AMRES, rencontre autour du livre Podemos, la politique en mouvement avec les amis du monde diplomatique. Le samedi 28 janvier à 19h, projection débat Voyage en Grèce par temps de crise, animé par Anastasia Politi. Ça se passera à l'Hybride, 18 rue Gosselet à Lille. Vous pourrez également voir le documentaire d'Hebdocratie au cinéma L'Univers le 9 février à 20h. Ce film traite principalement de la crise de la dette grecque et sera organisé par le collectif David, que vous pouvez écouter sur ces ondes tous les lundis midi. Au centre social Lazare-Garot, à Lille-Sud, le mardi 24 janvier à 19h, table ronde sur emploi, chômage, discrimination, race, classe, sexe. Quel accès à l'emploi dans les quartiers populaires ? Avec Jessie Courmont, sociologue de Phare pour l'égalité. Puis à l'espace Marx d'Elem, soirée débat où en est-on sur le front de la dette publique avec Bruno Tinel, économiste. Donc ça sera le 2 février à 18h30. Pour finir, soutien à Jean-Luc Munro, militant et élu écolo, qui en avril 2016, lors d'une intervention policière dans un bidonville abritant des familles de Rome, à Los, a voulu apporter son soutien et témoigner de sa solidarité. Deux policiers l'ont fait tomber de son vélo et c'est lui qui est poursuivi pour violence à agent avec arme par destination, c'est-à-dire son vélo. Il comparaîtra le mercredi 8 février à 14h au TGI de Lille. Un rassemblement est organisé à 12h30, grande place, avant d'aller au cortège jusqu'à Palais de Justice. À toi. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'ai vu que Françoise était partie au maquillage pour l'émission. Nous vous souhaitons un bon week-end et nous allons vous passer. Juste rappeler peut-être la thématique de du mois prochain qui restera dans la lignée de